J'aurais dû lire sur mes lèvres, putain. Yeah. Maison de juice. Hein? Tristement célèbre, fini dans mes rêves, à bout de souffle. T'aurais dû lire sur mes lèvres. Le bonheur m'a fait une ristourne. Et j'ai pas vu les petits caractères sur le contrat, faut que je relise tout. J'ai signé les yeux fermés, putain, comme un crétin. J'ouvrirai mon cœur qu'à des médecins. J'avais tout misé sur nous, t'as tout brisé d'un coup. J'étais même pas préparé par le doute. Je te faisais confiance, tu restes un non-sens. T'es magnifique, alors tu compenses. Tu t'attaches trop à ce que l'on pense. Un peu d'attention et donne ton corps en récompense. Et à ta place, j'aurais jamais osé. Et si seulement t'avais pas déconné. Mais au final, ça serait du pareil au même. Quand t'as le cœur noir, tu peux pas rayonner. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you.